À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président tanzanien, le président palestinien, le président du comité central du Parti communiste de Fédération de Russie et le premier secrétaire du comité central du Parti communiste ukrainien ont fait parvenir leur message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Les destinataires ont souhaité au maréchal et à l'héroïque peuple coréen paix, bien-être et prospérité dans la lutte pour le développement du socialisme. Surtout, ils ont formulé le respect aux dirigeants coréens.